Et bien évidemment, rien que l'odeur de la nature et non pas celle du pétrole. Allez, allez, allez, tchè tchè tchè. Maintenant qu'on est là, on n'est pas prêt de bouger. Non, nous on ne se couchera pas tant qu'on ne sera pas crevé. On montera sur les toits pour pouvoir crier, hurler à ces enfoirés là que les dés ne sont pas jetés. Jetés, allez, allez. Sifflet des oiseaux, une mélodie si douce qui fait qu'ici tout est beau. Une fois qu'on est là, on ne veut pas retourner là-haut. Ça fait du bien de respirer un air sevré en carbone. Ça fait du bien de s'en aller loin de toutes ces personnes qui ne croient que la vie est belle qu'au milieu de leur mégalopole, qu'oublie l'humanité ainsi que tous ses symboles. Allez, allez, allez, tchè tchè tchè. Maintenant qu'on est là, on n'est pas prêt de bouger. Non, nous on ne se couchera pas tant qu'on ne sera pas crevé. On montera sur les toits pour pouvoir crier, hurler à ces enfoirés là que les dés ne sont pas jetés. Jetés, allez, allez, tchè tchè tchè. Allez, allez, tchè tchè tchè.